Le journal internet sud-coréen Pressian a écrit que divers milieux sud-coréens, notamment la représentante du Parti démocrate Dobulo, le représentant permanent du Conseil de mesures pour le problème des volontaires, ont dénoncé la bande de Bakune qui a insulté les victimes de l'esclavage sexuel par l'accord humiliant et qui ne dit aucun mot au Japon qui force le démantèlement de la statue de Fillette.